Donc, bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour les coups de cœur d'Aurélien sur Radio Gémozo, le lundi, 8h-13h30. Donc, aujourd'hui, mon coup de cœur de la semaine, c'est Walk the Dead. J'en avais parlé rapidement la semaine dernière quand j'avais parlé des Imaginales. Donc, il est écrit par Frédéric Sittlinzer et l'illustrateur est Michel Bordery. Donc, le livre est publié aux éditions Armada, donc une très très bonne maison d'édition que je vous conseille, ils font des super livres là-haut. La version papier coûte 16€ contre 16 pour la version e-book. Donc, quelques mots vite, rapidement sur l'auteur. Donc, Frédéric écrit depuis l'adolescence, mais n'a commencé à publier que vers la trentaine passée. Il est influencé très tôt par des auteurs tels que Lovecraft ou Stephen King. Il tire également une partie de son inspiration dans ses racines foraines. C'est donc tout naturellement que le fantastique et l'horreur sont devenus ces genres de prédilection. Donc, en fait, Walk the Dead, c'est... J'ai eu l'honneur un petit peu de discuter avec l'auteur. Donc, il m'a un peu expliqué, mieux que l'aurais fait moi-même. C'est un mélange d'horreur, un petit peu, parce que ça thème sur le zombie, donc un sujet que j'adore. Et en même temps, c'est très cliché, vous voyez, il y a la pom-pom girl super belle, mais pas très intelligente, le shérif un peu, comment dire, un peu cool, voilà, les anciens qui sont emmerdants, l'ancien fermier qui se prend pour un enfant de cœur, mais qui est sous presque tous les soirs, enfin, vous voyez, quoi. Un peu tous les clichés, et ça donne Walk the Dead. C'est un super livre, je vous conseille absolument, si vous aimez un petit peu l'humour, un petit peu, et un petit peu tout, le style zombie, parce qu'il y a quand même un peu de zombie. Hein. En gros, Deep Harbor, charmante petite bourgade du Massachusetts. Faut lire. Son port de pêche, sa conserverie, son unique hôtel, son lycée et ses hautes falaises battues par les embruns. Un havre de paix jadis fondé par des colons anglais sur les terres ancestrales des Indiens Wampanoag. Deep Harbor, ses bois, ses marais, son cimetière, ses secrets. Deep Harbor, 12 347 habitants. Et encore plus de macabres. Beaucoup plus. Et en fait, il parle. Le héros, il s'appelle. Je sais plus le nom du héros, parce que je l'ai lu il y a 3 semaines. Je l'ai lu en 2 jours, tellement que je l'ai aimé, mais je sais plus le nom du héros. En fait, il est guitariste dans un groupe de rock, et il y est dans le livre, mais aussi dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il est vraiment guitariste dans un groupe de rock qui s'appelle justement Walk the Dead, qui habite dans la ville. En fait, la ville dans le livre est une ville imaginaire, mais il y a une ville aux Amériques, un peu paumée comme ça, où il y a un groupe Walk the Dead, et en fait, ils font de la musique pour se barrer cette troupe paumée. Bon, pour l'instant, tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est réveiller les morts. Haha, ironie. Mais voilà. Bon, bah alors, bouquin que je vous conseille très fortement, The Walk the Dead, publié aux éditions Armada. Voilà. Bon, bah, à la semaine prochaine, c'était Aurélien.